بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وبعد. Donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur la continuité de l'étude du livre Al-Qawa'id al-Muthla, les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, ainsi que ses noms. Et donc dans les dernières assises, on est arrivé lorsque l'auteur nous enseigne les implications de la pensée liée à la doctrine de la négation, ce qu'on appelle la doctrine de la négation des noms et des attributs. Sauf que l'auteur ensuite nous enseigne que les partisans de la négation se divisent ensuite en différentes catégories, entre ceux qui ont nié d'une négation totale et absolue, aussi bien al-asma wa sifat, les noms divins, les noms d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses attributs, entre différentes composantes de la négation ou de la doctrine de la négation, comme ceux qui, eux, ont nié en partie, c'est-à-dire ils ont affirmé les noms et nié les attributs divins, et ceux qui ont affirmé une partie d'attributs, ils ont affirmé les noms avec une partie d'attributs et nié une autre partie. Donc l'auteur nous a cité, a fait allusion à différentes catégories min ahli at-ta'til, parmi les partisans de la doctrine de la négation. Ensuite, l'auteur, lui, va nous enseigner que une partie des partisans de la négation, ceux qu'on a cités en dernière position, ceux qui affirment certains attributs et nient d'autres attributs, il a cité à titre d'exemple Madhhab al-Ash'ari. Il a cité à titre d'exemple la doctrine nommée Ash'arite, qui eux vont affirmer une catégorie d'attributs et nier une autre catégorie d'attributs. À titre d'exemple, il nous a donné l'exemple de l'attribut de la volonté, ce qu'on appelle sifat al-irada ou sifat al-rahma, l'attribut de la volonté et l'attribut de la miséricorde. Et si vous observez dans les livres, vous retrouvez dans certains livres d'obédience, où les auteurs de ses œuvres et de ses livres étaient d'obédience à Ash'arite, ou bien Maturidite, de la doctrine de Maturidiyya, ou bien Ind al-Kullabiyya, vous allez voir donc que vous retrouvez qu'ils affirment une partie d'attributs, et d'autres attributs, ils les nient. Et vous allez retrouver, par exemple, dans certains livres, qu'ils vont affirmer l'attribut de la volonté, Sifat al-Irada, par contre, ils nient d'autres attributs, comme l'attribut de la miséricorde. À titre d'exemple. C'est pour ça que l'auteur ici a fait allusion à ces deux exemples. Sifat al-Irada ou Sifat al-Rahma. L'auteur ensuite nous a enseigné pourquoi, quelle est la raison pour laquelle ils affirment une partie d'attributs et nient une autre partie. L'auteur bien sûr va y répondre, mais avant, il nous dit quelle est la cause. La cause, c'est que ce qui fait office de référence pour eux, c'est al-aql. C'est leur raison. Donc eux, ils vont affirmer des attributs selon leur raison. C'est-à-dire, si leur raison conçoit de nier l'attribut, alors ils nient l'attribut. C'est-à-dire, si la raison ne conçoit pas l'attribut et n'arrive pas à concevoir l'attribut, alors ils ont recours à la négation. Par contre, si la raison peut concevoir l'attribut, alors ils affirment l'attribut. En l'occurrence ici, en ce qui concerne les deux exemples qu'a donné l'auteur, l'exemple de Sifat al-Irada, l'attribut de la volonté. L'attribut de la volonté, vous retrouvez dans leur livre qu'ils l'affirment, donc dans leur livre de croyance, ils affirment l'attribut de la volonté. Pourquoi ? Parce que selon leur conception à eux, selon leur raison, leur aql, leur raison conçoit l'attribut de la volonté pour le Créateur. Tandis que concernant l'attribut de la miséricorde, leur raison ne conçoit pas l'attribut de la miséricorde pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez bien, ce qui fait office de référence est à l'aql. Or, dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit ce qui fait office de référence, ce sont al-nusus al-shar'iyya. Pourquoi ? Puisque l'affirmation des attributs d'Allah azzawajal fait partie de la description du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas, selon notre bon voulu, accepter des attributs et affirmer et attribuer des attributs à Allah azzawajal, et selon notre bon voulu aussi, refuser et nier des attributs. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit dans les assises précédentes, c'est lui-même, il s'est décrit et s'est affirmé pour lui-même ses attributs, donc il n'appartient pas aux croyants de nier cela. Sauf que dans la doctrine de la négation, comme on a dit, عِنْدَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ, parmi les implications de cette pensée-là, de ce courant de pensée, c'est que la finalité, c'est de nier ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même comme attribut. Et donc, en revenant à l'écrit du Shir, donc ça c'était à titre de révision, on continue. Pourquoi Sifat al-Irada l'ont-ils affirmé ? Là, on est dans l'explication de la pensée et du courant concernant ceux qui affirment une partie d'attribut et renient une autre partie. Tandis qu'on a dit, certains affirment nient catégoriquement tous les attributs divins. Dans cette doctrine-là, عند الأشاعرة والماتريدية والكلابية, dans ces doctrines-là, ils affirment une partie et refusent d'autres. Comme on a dit, certains affirment 13 attributs, d'autres 7, ils ont divergé sur le nombre d'attributs qu'ils affirment. Donc, en résumé, parmi les attributs qu'ils acceptent, et qu'ils affirment pour Allah Azza wa Jal, Sifat al-Irada, l'attribut de la volonté. Pour eux, leur conception, leur raison pour concevoir, peut concevoir cela. Tandis que Rahma, l'attribut de la miséricorde, non. Ils ne l'ont pas affirmé. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que, selon eux, et selon leur conviction, ils considèrent pour faire miséricorde, il faut que celui qui fait miséricorde, il y ait en lui une sorte de compassion. Il y a en lui le fait de vouloir faire miséricorde pour celui à qui sera fait miséricorde. Donc, elle ligne que la personne est en lui une sorte de douceur. Et pour cela, alaykoum salam, et pour cela, ça, il ne l'affirme pas. Pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, faire miséricorde, ça suscite avoir en soi une sorte de douceur, de compassion pour al-marhum. Al-marhum, celui à qui il est fait miséricorde. Et ça, ils s'interdisent d'affirmer cela pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, pour faire miséricorde, on a besoin d'avoir en soi l'ine, forme de douceur, de compassion, et eux dans ce raisonnement-là, ils vont dire Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de cela. Et donc, de sorte qu'il ensuite renie l'attribut de la miséricorde. L'auteur, dans sa réponse, qu'est-ce qu'il dit ? Naqulu lahum. On a appris que l'auteur dit, si en quelque sorte on va dans ce sens-là, alors il dit, la volonté aussi nécessite quelque chose. Lorsqu'on veut quelque chose, ça suscite de vouloir l'intérêt d'une chose. Donc lorsqu'on veut quelque chose aussi, ça nécessite des choses. De même pour la miséricorde, lorsqu'il considère que pour faire miséricorde, ça nécessite que celui qui fait miséricorde ait besoin de douceur, de bienveillance pour celui à qui il fera miséricorde. Alors l'auteur nous enseigne, dans ce sens-là, si on va dans le sens justement de Al-Asha'ira et de ceux qui ont affirmé Sifat Al-Irada et pas Sifat Al-Rahman, alors si on va dans ce sens, l'attribut de la volonté aussi suscite et nécessite des choses. Qu'est-ce que l'auteur a cité ? Il dit, comme on l'avait appris, que l'attribut de la volonté, par exemple, on peut y répondre de la même manière, que celle-ci consiste à tendre vers la chose par laquelle il espère réaliser un profit ou repousser une nuisance. Regardez, la volonté, pour vouloir quelque chose, pourquoi on veut quelque chose ? Vouloir quelque chose, ça consiste, pour celui qui veut, le Cheikh nous dit ici, l'auteur, à tendre vers la chose pour laquelle il espère réaliser un profit ou repousser une nuisance. Ce qui implique, pour celui qui veut, le besoin. Ça implique que celui qui veut, il ait un besoin. Un besoin de quoi ? De réaliser un profit ou repousser une nuisance. Tu veux quelque chose, donc tu veux la réalisation d'une chose dont tu espères l'intérêt de cette chose. Et donc, si il y a par exemple nuisance, tu espères et tu veux repousser la nuisance de cette chose. C'est ça, la volonté, si vous voulez, suscite et nécessite ces choses. Donc de même, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si il nie l'attribut de la miséricorde pour ces considérations qu'on a citées précédemment, de même alors, il dit, l'attribut de la volonté, par contre, qu'ils affirment, celle-ci aussi nécessite des choses. Or, qu'est-ce que va dire l'auteur ? Il dit, si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde, qui implique l'imperfection, et celle de la créature. Est-ce que vous avez compris ce passage ? Je vous le répète, et là je vais vous demander de me l'expliquer. Si on répond, donc Cheikh Al-Uthaymeen dit, si on répond que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Même en hada, quel est le sens de cela ? D'ailleurs, si ça peut aider, je vous dis la phrase. Je vous lis la phrase de l'auteur en arabe. طيب قال فنفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم قال وهذا محال في حق الله تعالى فإذا عندهم نفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى فقال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة وقد وردت بالاسم مثل الرحيم أو الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة ومثل والفعل مثل ويرحم من يشاء ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دلة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجل من دلالة التخصيص على الإرادة. قال ولظهور ذلك للخص والعم بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة. قال لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه. Donc écoutez, c'est là. C'est là que là, le Cheikh va bien le détailler. Comme là, je vous ai lu la traduction de ce qu'on est en train de dire en arabe. Il dit فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. C'est vrai qu'en arabe, c'est plus clair quand même. Lorsque, par exemple, une personne qui lit en arabe, c'est parfois plus clair. En français, ça demande quand même de détailler, d'expliquer un peu la traduction. Si on se met à la place, par exemple, d'un lecteur qui ouvre la traduction des règles exemplaires et qui lit en français, ça risque d'être compliqué. Déjà en arabe, c'est des livres qui doivent être enseignés. On doit les apprendre avec un cheikh, avec un muallim, avec un oustad, avec un professeur. Mais là, du fait que c'est une traduction en français d'un texte en arabe, à plus forte raison, cette traduction de ces livres, de ces sortes de livres qui sont des livres d'étudiants en sciences, ça demande des explications. C'est pour ça que parfois je vous lis des passages, je vous demande explication, peut-être qu'en français c'est pas forcément clair. Ça se clarifie lorsque on explique. Là je pense que maintenant si je vous relis la phrase, je pense que vous la comprenez. Regardez ce que l'auteur dit. Je vais vous traduire d'une autre manière, plus simple. Déjà, il faut bien se concentrer sur le sujet. L'auteur va nous expliquer la méthodologie d'un courant de pensée qui s'est propagé dans le monde musulman depuis des générations et depuis des siècles. Jusqu'à ce que, on l'a déjà dit et relevé dans des assises précédentes, que ce courant de pensée, à un certain moment, est devenu dominant, a dominé le monde musulman et de nombreuses contrées dans le monde musulman. Le madhhab al-Ash'ari. Le courant de pensée ash'arite qui a dominé jusqu'à aujourd'hui et domine de nombreuses contrées musulmanes. Et ce courant de pensée, cette doctrine concernant les noms et les attributs, il considère l'affirmation de certains attributs et renie d'autres attributs. Donc eux, les savants, entre autres ici l'auteur, les comptent parmi Ahl al-Ta'til. Vous pouvez vous poser la question, c'est légitime. Pourquoi l'auteur les compte parmi la doctrine de la négation? Eux ne nient pas. D'une certaine manière, ils interprètent. Sauf que leur interprétation, ici, pour les savants, est liée comme une négation. Pourquoi? Parce qu'entre autres, comme on l'a dit précédemment, ils vont nier une grande partie d'attributs. Comment les nier? En les interprétant. Mais beaucoup de savants considèrent que c'est de la négation, même s'ils ont eu recours à de l'interprétation. Et donc, chez le mouvement Ash'arite, eux, ils considèrent que les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les comprendre, il ne faut pas prendre le sens apparent du texte d'attributs, mais qu'il faille interpréter. C'est ça ce qu'on appelle Ahl al-Ta'wil. Ils ont eu recours à l'interprétation. Et parmi aussi leurs convictions dans les noms et les attributs, c'est d'affirmer certains attributs et nier d'autres attributs en les interprétant. Jusque-là, c'est clair. Pourquoi maintenant ce courant de pensée qui s'est propagé dans le monde musulman, pourquoi depuis des générations et des générations, les savants de la Sunna n'ont cessé de le réfuter et n'ont cessé d'enseigner et d'écrire par la plume ou par la langue, de réfuter et d'enseigner le fait que les textes d'attributs, il ne faille pas les interpréter, mais les prendre selon le sens apparent. Puis pourquoi ? C'est là, toutes les assises qu'on a fait précédemment, c'est pour répondre aussi à ça, pour répondre à cette question. Et là, l'auteur va nous mettre en exergue, en avant, le fait que affirmer, donc selon la doctrine Ash'arite, affirmer une partie d'attribut et nier une autre partie d'attribut, c'est une contradiction. Et comme vous allez voir dans ce qui va suivre, l'argumentation va être très très pertinente. Le fait que si on affirme une partie d'attribut, alors ils pouvaient affirmer le reste des attributs comme ils ont affirmé cette partie d'attribut. Et s'ils ont nié des attributs d'Allah Azza wa Jal, alors de la même manière, si on suit leur conception des choses, alors on nie les autres. Exemple. L'attribut de la volonté, l'attribut de la miséricorde. Qu'est-ce que eux ils affirment pour Allah, ils veulent bien affirmer. Qu'est-ce qu'ils veulent bien affirmer eux? En fait, moi je vous interroge à la base, je continue, je lis. J'interroge pas. En fait, quand j'interroge, c'est pas pour vous embêter. En fait, j'interroge, c'est pour savoir est-ce que je continue ou bien plutôt je reste. Ça, si j'avance dans un paragraphe alors que je passe le paragraphe n'a pas été compris, on est fibeble esma sifat. C'est dommageable. Pourquoi ? Parce que pour comprendre ce qui va suivre ensuite, il faut vraiment avoir bien compris le sujet qu'on est en train de traiter et le développer. C'est pour ça que des fois je pose une question comme ça pour savoir est-ce que vraiment on comprend. Si on comprend, là on peut avancer, parce qu'on est fibab al-aqida, on est dans des questions de croyance et surtout dans le domaine de l'esma ou sifat. Donc le but c'est de bien comprendre. Alors regardez, quel est l'attribut que eux accepte et nie entre la volonté et la miséricorde? Qu'est-ce qu'il veut répondre, Sahib? Arsène. Donc, eux, ils acceptent l'attribut de la volonté, et ils n'acceptent pas l'attribut de la miséricorde. Pourquoi ils n'acceptent pas l'attribut de la miséricorde? Parce que pour eux, la miséricorde, ça suscite d'avoir en soi de la compassion et de la douceur pour celui à qui sera fait miséricorde. Donc vous allez vous dire, mais alors où est le problème? Le problème, c'est que eux ils disent donc ça c'est un besoin. Et on ne peut affirmer le besoin pour le créateur. C'est-à-dire besoin. Le besoin de cette douceur et de cette compassion. Donc pour faire miséricorde, on a en quelque sorte besoin. Et donc, eux considèrent qu'on ne peut pas affirmer ce besoin, besoin de, en arabe, les termes qu'a cité l'auteur, al-lin wa riqqa. On pourrait traduire de manière al-lin. On a besoin de cette douceur, de cette compagnon, sorte de tendresse, pour faire miséricorde. Donc, la miséricorde est l'onnier. Donc, ils nient la miséricorde. Donc, pour eux, tous les textes de miséricorde, comment ils font? Tous les versets, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous les versets, Allah dit, Yarhamu man yasha, Allah fait miséricorde à qui il veut. Tous les versets, Allah, il dit, il détient la miséricorde, Dhu Ar-Rahma, celui qui détient la miséricorde. Qu'est-ce qu'ils font de tout? Comment font-ils? Comment ils abordent tous ces textes liés à la miséricorde? Comment ils vont nier la miséricorde? Arsène, donc, comment vont-ils faire? Puisqu'ils n'affirment pas la miséricorde. Comment vont-ils faire? Sohib, qu'est-ce qu'ils vont faire? Arsène, eux, ils vont interpréter. Pourquoi on insiste bien sur ça? Pourquoi? Parce que d'autres courants, d'autres doctrines qui ont émergé avant eux, et d'ailleurs, Al-Ash'ariyya aussi, leur but était de réfuter les négateurs. Eux, leur but, lorsqu'ils sont apparus, ils réfutaient les négateurs. Les négateurs venus avant eux, comme Al-Ali Atizel, Al-Mu'tazila, eux nient catégoriquement. Ils n'ont même pas recours à l'interprétation. Ils n'interprètent pas, ils nient. Comme il est célèbre dans leurs paroles, Allahu as-sami' bila sama', al-basir bila basar, al-rahim bila rahma, eux ils nient catégoriquement. Al-Ash'ariyya, lorsque plus tard ils vont apparaître, avec Al-Maturidiyya ou Al-Kullabiyya, ces courants de pensée, lorsqu'ils vont apparaître, eux vont pas nier catégoriquement, mais avoir recours à l'interprétation. Par exemple, la miséricorde. Ils vont pas dire tout simplement non, il n'y a pas de miséricorde. Ils vont dire non, la miséricorde, faut comprendre. Là, c'est mes mots à moi. La miséricorde, faut comprendre. La miséricorde, c'est dans le sens que Allah Azzawajal veut. Ils vont lier à l'attribut de la volonté. Allah veut octroyer le bienfait, veut combler son serviteur de bienfaits. Iradat al-in'am, ils disent en arabe. Allah va vouloir le bienfait pour son serviteur. Pour eux, c'est ça la miséricorde. Allah va vouloir al-in'am. Comme un shir ici, il va bien l'expliquer. Regardez, c'est les paroles de l'auteur. Ils disent أول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. Comment vont-ils interpréter donc la miséricorde, puisque la miséricorde, si vous regardez dans leur livre, vous remarquerez que la miséricorde ne fait pas partie des attributs qu'ils affirment. Donc pour eux, الرحمة, ils vont l'interpréter comme étant إرادة الفعل, la volonté de faire l'action, c'est-à-dire de faire le bien. Fassaru ar-rahim bil mun'im. Donc ils ont interprété ar-rahim, ar-rahman, ar-rahim en disant al-mun'im, c'est le bienfaiteur, celui qui veut le bien, wa murid al-in'am, celui qui veut accorder les bienfaits. Ça c'est l'interprétation. Pas faire miséricorde. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit précédemment, pour eux ils disent non. Ça veut dire que celui qui fait miséricorde, il a besoin de l'in ou al-riqa. Non. C'est mumtana'. Pour eux c'est impossible pour Allah Azza wa Jalla. Donc qu'est-ce que va dire l'auteur? L'auteur va répondre, et parmi les choses qu'il va répondre, ça, maintenant vous allez comprendre, Cheikh il va dire, alors, il dit, quant à la négation de sa miséricorde sous prétexte qu'elle implique douceur et bienveillance, on peut y répondre de la manière suivante. Si cet argument était juste, il aurait été possible de nier la volonté avec un argument similaire. On dirait alors, la volonté consiste pour celui qui veut à tendre vers la chose pour laquelle il espère réaliser un profit ou repousser une nuisance. Ce qui implique, pour celui qui veut, le besoin. Or, Allah est exempt de cela. En d'autres termes, le paragraphe que je vous ai lu, si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Qu'est-ce qui peut m'expliquer maintenant ce petit paragraphe? Puisque, Hadi, pourquoi je vous demande ça? C'est la faïda qu'il faut pas louper. En d'autres termes, plus polis, qu'il faut pas manquer. C'est la faïda qu'il faut pas manquer. C'est vrai ce que tu dis. Mais là, regarde, je vous le répète. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est la faïda. Il dit, si on répond en disant que cette, je vous lis doucement, que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Mashallah. Je vois que c'est ça que vous voulez dire, mais ce que j'ai pas, je sais pas pourquoi vous l'exprimez de cette manière. Allez voir. ايوه هذا هو كما قال الشيخ شوفا بالعربيه سهل قال فجوابه ان هذه الحجه هذا يعني هذه قرانا بالفرنسيه ترجم هذا الكلام قال جوابه ان هذه الحجه لو كانت مستقيمه لامكن نفي الاراده بمثلها en arabe c'est vraiment فيقال plus simple الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة مستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق مفهوم بالعربية Je vous le répète en français parce que je veux que vous le compreniez aussi, mais en français. Donc en arabe, mafhoum al-kalam. Wadih al-kalam? Bil arabiya, c'est wadih en arabe. Regardez, je vous le répète en français. Si, en disant que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Donc je vous le dis alors, c'est très simple, regardez. La faïda, elle est où ? Dans la réplique, la réfutation. Cheikh dit, si on répond en disant que la volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde. Par exemple, Cheikh, il aura parlé de la volonté. Il aura dit, si vous dites que la miséricorde, vous la refusez, enfin, l'attribut de la miséricorde, vous refusez. Pourquoi ? Parce que pour vous, ça nécessite douceur et bienveillance. Donc, besoin de douceur et bienveillance. Cheikh dit la volonté aussi. Si on va dans ce sens, la volonté nécessite un besoin. Le besoin de vouloir le bienfait d'une chose qu'on veut. Donc, dans ce cas-là, si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, est-ce que vous comprenez cette phrase ? Si on répond que la volonté est celle de la créature, qu'est-ce qu'il veut dire Cheikh par là ? Si on répond que cette volonté est celle de la créature. Oui, mais qu'est-ce qu'il sous-entend Cheikh ? Quand il dit, si on répond que cette volonté est celle de la créature, en arabe, fa'in ujiba. بأن هذه إرادة المخلوق Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre, Cheikh, ici ? Par exemple, vous êtes tout seul à la maison, vous lisez le livre. Et vous lisez, parce qu'attention, dans votre lecture des livres, les traductions des livres, quand vous lisez un livre, qu'une traduction d'un livre d'un savant, sachez que là, c'est du français que vous avez face à vous, mais ils traduisent l'écrit d'un cheikh, d'un savant. Donc tout ce que dit le savant, c'est important. C'est pas juste des mots ou des phrases comme ça. Donc il faut se concentrer sur chaque mot, chaque phrase dans la lecture. En fait, vous n'êtes pas en train de lire une histoire, un conte. ou que c'est une histoire, vous lisez une biographie. Non. Là, c'est, il y a un voulu, c'est, il y a une analyse, il y a un développé. Écoutez, ben, si vous êtes tout seul chez vous, vous lisez, l'auteur dit, si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, qu'est-ce qu'il veut dire, Shir? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Si on répond que cette volonté est celle de la créature. Abdelnour. Ouais. Qui est-ce qui dit ça? Arsène. En fait, là, il sous-entend la Sha'ira, lorsqu'on va leur dire. Il sous-entend que si vous leur dites, vous niez la miséricorde, parce que vous prétendez que la miséricorde, il y a un besoin de douceur en soi, de bienveillance. Et donc, il y a besoin de cela. Et ça, on ne peut pas affirmer cela pour Allah, le besoin de cela. Alors, Shir, il vient de leur dire, comme s'il leur dit, il dit que, de même pour la volonté, ça nécessite et consiste à telle et telle chose, donc un besoin de telle et telle chose. Regardez, il dit, si on répond en disant que cette volonté, c'est de la créature, c'est-à-dire que eux ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais ça, la volonté que toi tu dis, c'est pour les créatures. Ils vous répondront, mais la volonté que tu dis, toi, cette volonté, comme Cheikh l'a dit, la volonté, c'est quoi? C'est espérer réaliser un profit ou repousser une nuisance. Donc on espère obtenir un profit, on veut quelque chose, on veut le profit de cette chose. Donc, quelque part, il y a un besoin de quelque chose. Donc on veut. Si on explique de cette manière, il dit, comme on a expliqué, ils expliquent la miséricorde d'avoir besoin de quelque chose, la volonté aussi, on peut vouloir quelque chose parce qu'on a un besoin de quelque chose. Et Shir, il dit, si on répond que cette volonté, c'est de la créature, c'est-à-dire, s'ils te répondent, qu'est-ce qu'ils te diront eux? Non, non, toi, la volonté que tu sous-entends, c'est la volonté de la créature. Pourquoi? Parce qu'il affirme la volonté pour Allah, Azza wa Jal. Mais cette volonté que toi, tu viens d'expliquer, cette volonté-là, non, non, ça, c'est pour la créature, pas pour Allah, Azza wa Jal. Jusqu'à, vous comprenez? Ils diront ça. Cheikh, il dit alors, tout simplement, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde. Cette miséricorde que vous vous expliquez en disant que on a besoin de telle et telle chose, c'est la miséricorde de la créature. Et regardez ce qu'il dit. Il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Cette miséricorde que vous vous avez expliquée, qui vous a poussé à nier l'attribut de la miséricorde et donc à l'interpréter, ça c'est la miséricorde de la créature liée à son imperfection. C'est pas la miséricorde d'Allah. De même que eux, lorsqu'on leur dit que la volonté ça nécessite telle et telle chose, ils te diront non, non, ça c'est la volonté de la créature. Pourquoi? Parce que la volonté fait partie des attributs qu'ils affirment. Donc si tu leur dis, mais la volonté aussi, hein, ça consiste à avoir un besoin en telle et telle chose, te diront non, ça c'est la volonté de al-makhlouq, de la créature. Bah de même, la miséricorde que vous vous expliquez, c'est la miséricorde de la créature. Allah n'est pas comparable. La miséricorde que vous êtes imaginée, c'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est incomparable. Donc comme vous avez affirmé en fait l'attribut de la volonté, vous pouviez affirmer l'attribut de la miséricorde. Donc en fait, affirmer l'attribut de la volonté et nier l'attribut de la miséricorde, tanaqud. L'auteur met en exergue que c'est une contradiction. Si on a compris ça, on peut continuer. C'est pour cela que parfois lorsque quelqu'un il est sahib al-ilm, il maîtrise le sujet, alors l'argument pour lui devient sahel. Vous savez, il y a une histoire que même Cheikh il raconte dans justement son commentaire. Il parle de l'histoire d'Ibn Jinni. C'était un savant de la grammaire arabe, un spécialiste de la grammaire arabe. Et Cheikh al-Albani raconte cette histoire Et Cheikh Ibn Uthaymin aussi la raconte. Sauf que il y a des petites, il y a pas les mêmes similitudes de l'histoire. Il y a des petites différences dans l'histoire. Moi, je vais la raconter comment Cheikh Ibn Uthaymin la raconte. Comment Cheikh Ibn Uthaymin la raconte. Il est dit que Ibn Jinni, ce savant-là de la langue arabe, il avait son père. Il avait son père. Et il est dit que son père, les gens souvent venaient lui poser des questions. Mais que lui, son fils, était plus fort dans la ilm. Était plus fort dans la ilm. C'est comme ça que l'explique Cheikh Ibn Uthaymin, si je ne me trompe pas. Que lui, il était plus fort que son père. Et un jour, alors, les gens posaient des questions à son père et son fils disait à son père, quand ils viennent te voir, tu leur dis, fil mas'ala qawlan. Dans la question, il y a deux avis. Ensuite, s'ils veulent le détail, tu dis, allez voir mon fils. Il vous expliquera. En fait, il lui a enseigné l'échappatoire. Les gens viendront te voir, si tu n'as pas, il dit à son père, si tu n'as pas la connaissance de la question, قُلْ لَهُمْ فِي قَوْلًا فِي الْمَسَلَى قَوْلًا وَرَحْ عِنْدَ إِبْنِي وَعِنْدَ تَفْصِيلَ الْمَسَلَى وَيُفَصِّلْ لَكَ الْقَوْلَيْنِ. Et son fils ensuite, il dit, quand ils viennent, je vais leur fassal. Puisqu'en fait, son père n'avait pas les réponses. Et les gens viennent, alors il dit à son père, tu leur dis qu'il y a deux avis dans la question, quand ils te demandent. Alors les gens venaient. Ils disaient, ils posaient des questions. Et il disait, voilà telle question. Et le père disait, dans la question, il y a deux avis. Il y a deux avis sur la question. Allez voir mon fils, il vous expliquera. Et ensuite, il les envoyait, le fils, il expliquait. Et quand il posait ensuite la question au père, il ne savait pas, lui. Mais il disait, son fils disait, tu leur dis, il y a deux avis sur la question, et tu, ensuite, me les envoies. Alors le père, il posait la question, il dit, il y a deux avis dans cette question. Allez voir mon fils, il vous détaillera cela. Jusqu'à un jour, il y a un homme qui était intelligent. Zaki. Il a vu que le père, toujours, quand on lui posait la question, il disait, il y a deux avis. Alors il a commencé à douter. Il y a quelqu'un qui est intelligent. Donc il est parti le voir, il lui a dit, Afillahi shak. Faqal al-ab, fil mas'ala qawlan. Le Adob qui est intelligent, il va voir le père et lui dit, est-ce qu'il y a un doute sur Allah? Et le père dit, dans la question il y a deux avis, va voir mon fils, il t'expliquera. Donc là ils ont compris que là ça y est, en fait il connaît pas, et à chaque fois il dit, dans la question il y a deux avis. Sauf qu'ensuite ils vont voir le fils, mais le fils très intelligent. Ils vont voir le fils. Ils ont dit, Afillahi shak. Et le fils, il dit, oui, il y a deux avis. Oui, il y a deux avis. Qala ba'd ahl al-nahu fi i'rabi al-aya, liana aya Afillahi shak, qala ashak huwa fa'il, wa qala ba'dhum bi annahu mubtada. Et le fils, il a dit, oui, puisque c'est un verset. Il a dit, les grammairiens ont divergé dans l'explication du verset, dans l'analyse. Certains ont dit que c'était un fa'il, et d'autres ont dit que c'était un mubtada. Al-fa'il, c'est celui qui fait l'action, ou al-mubtada, c'est pour débuter la phrase. Donc les grammairiens, sur le verset, dans l'analyse grammaticale du verset, ils ont divergé entre deux avis. Vous avez vu l'intelligence du fils. Et il a dit, oui, il y a deux avis chez les grammairiens. Certains ont dit qu'il est fa'il, et d'autres, Afillahi shak, l'analyse du mot shak, doute. Est-ce qu'il y a un doute sur Allah? Et là, le père, il dit, oui, il y a deux avis. Quand ils vont chez le fils, et là, ils avaient, en quelque sorte, dévoilé le père. Mais le fils va dire, oui, il y a deux avis chez les grammairiens sur l'analyse du verset. Est-ce que shak, il est fa'il ou bien mubtada? Et comme ça, bon, ça c'est une anecdote que lui, Cheikh Al-Albani aussi la raconte. Cheikh Al-Albani la raconte, mais lui, il la raconte différemment. En tout cas, vous pouvez retrouver que Cheikh Al-Albani la raconte. Et Cheikh Al-Athaymin aussi, il la raconte dans le commentaire, justement. Dans le commentaire de Al-Qawaid. Exactement, pour ceux qu'on lit, vous pouvez la retrouver dans la page. Je vais la retrouver. Vous pouvez la retrouver dans la page 224. Lorsqu'il dit « Rajulun yaqalu lahu ibn dinni, alimun min ulama'in nahu, kana lahu abbun shaykhun kabir, wa abuhu mutaza'imu al-mashikha, wa yajlisun linnas, wa huwa laysa indahu ilm, wa waladuhu a'alam minhu, fayaqulu lahu waladu, ya abati, kullama ja'aka masail, au kullama ja'aka sa'ilun yas'al, فقل في المسألة قولان لا تبت فيها والتفصيل عند ابني وأنا أكفيك إلى آخر الكلام. Et là, c'est là que Cheikh Al-Uthaymeen, dans la page 224, vous allez la retrouver, où il est dit que son père, et c'était un prétendu cheikh, où les gens s'asseyaient avec lui et lui posaient des questions. Mais en fait, son fils à lui était plus savant. Donc lui, il a dit à son père, lorsque les gens te posent des questions, dis-leur dans la question, il y a deux avis. Allez, cherchez le détail chez mon fils, il vous expliquera. Et l'histoire que je vous ai dit. On arrête là ou vous voulez qu'on continue sur la réfutation de Cheikh? Vous voulez qu'on continue quelques minutes ou? On va pas vous forcer non plus. On dit quelques minutes. طيب. قال. Ensuite il dit: وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا وبعلم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك لوجهين أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة والثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون لقد أبحثتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة أو ليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Alors là, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Ça, je vous le fais très très rapidement et on détaillera mieux dans la prochaine assise pour pas trop prendre de temps, inshallah. Cheikh, à présent, après qu'il ait mis en avant, en exergue, la doctrine de la négation, et qu'il nous ait dit, en fait, les partisans de la doctrine de la négation, ce qu'on appelle Ahl al-Ta'til, se divisent en différentes catégories, puisque l'auteur a dit, entre ceux qui nient d'une manière générale et ceux qui ont une négation particulière. Ceux qui ont une négation générale, ceux qui ont une négation particulière. Il fait ici allusion, il sous-entend ici les différents courants composant la doctrine de la négation. Entre, comme on a dit précédemment, ceux qui nient catégoriquement les noms et les attributs, ceux qui affirment les noms mais nient les attributs dans la totalité catégoriquement, et ceux, par exemple, qui viendront plus tard comme l'Ash'arira ou la Maturidiyya, qui eux vont affirmer des noms et nier, affirmer les noms, affirmer certaines parties d'attributs et nier une autre partie. L'auteur ensuite, une fois qu'il a mis en exergue la contradiction qu'il y a dans le fait d'affirmer une partie d'attributs et de nier une autre partie, il a donné juste un exemple. Et en fait, les exemples sont nombreux. Mais juste, l'auteur ici nous met en avant la contradiction, le fait d'accepter une partie d'attribut et rejeter une autre partie. En prétextant que ce qu'on affirme, parce que notre raison peut concevoir l'affirmation de ces attributs, par contre, ce qu'on nie, c'est parce que notre raison indique qu'il faille nier cela. Retenez bien ça, cette phrase-là. C'est le prétexte. Alors il dit pour cela, une fois qu'on a compris cela, que cette pensée-là et ce courant-là est contradictoire, le fait d'avoir affirmé une partie et nier une autre partie, il dit si on a compris cela, وَبِهَذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ التَّعْطِيلِ. De cela, il dit, on comprend la nullité de la doctrine de la négation. Écoutez bien ce qu'il va dire. Que cette négation soit générale ou particulière, vous comprenez maintenant lorsqu'il dit générale et particulière. Et il dit, et aussi par cela, nous comprenons que la méthodologie de l'Ash'arira, de la doctrine nommée Ash'arit et Maturidiyya, c'est une doctrine aussi comme l'Ash'arira, qui eux interprètent les attributs, donc nient les attributs en les interprétant. Il dit de là, se clarifie que la méthodologie de l'Ash'arira ou l'Maturidiyya dans le domaine des noms et des attributs, regardez ce qu'il va dire, ne peut en aucun cas servir pour répondre à d'autres catégories de négateurs, comme la doctrine de l'Mu'tazila et l'Jahmiya et d'autres. Vous avez compris déjà cette phrase? Il dit en fait, de là se clarifie le fait que, si on a compris cela, que la pensée Ash'arit, en aucun cas celle-ci, pourrait s'en servir pour réfuter d'autres négateurs comme Al-Mu'tazila. Pourquoi l'auteur fait allusion à cela? Parce que comme on l'a dit précédemment, Al-Ash'arira, lorsqu'ils sont apparus, ont réfuté les négateurs. Et ils étaient très fervents dans la réfutation. Pour eux, leur madhab, c'est madhab al-haq. Pour eux, le fait d'interpréter les attributs, c'était ça la vérité en ce qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'interprétation. Donc pour eux, ils ne voyaient pas la négation totale et absolue. Donc pour cela, lorsqu'ils sont apparus, ils ont réfuté les négateurs. En disant aux savants de la Sunna, nous affirmons les attributs. Sauf que ensuite, lorsque les savants, ensuite en quelque sorte avec nos termes pour bien comprendre historiquement, lorsqu'ils observaient leur affirmation des attributs, ils voyaient qu'en fin de compte, ils affirment une partie, nient une autre partie, et l'autre partie, là, ils l'interprétaient. Dans leur réfutation, lorsqu'ils ont réfuté, par exemple, vous trouvez beaucoup de livres, par exemple, Al-Ash'arira réfuté Al-Mu'tazila. L'auteur dit, si on a compris tout ce qui a précédé, on voit que la pensée Ash'arite, en aucun cas, cette méthodologie-là pourrait réfuter et répondre aux ambiguïtés des partisans de la négation. Pourquoi? Il dit pour deux raisons. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien, c'est très très pertinent. Et je vous le dis de manière générale. Ensuite, on détaillera ça dans la prochaine assise, Inch'Allah. Si Allah nous le permet, dans l'assise de mardi, Inch'Allah. Bismillah, si Allah nous le permet. Il dit premièrement, parce qu'il dit premièrement, c'est une voie innovée. Et en aucun cas, on peut répondre à l'innovation par une autre innovation. C'est le premier point. Tout simplement. Et il dit هذا أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il dit que c'est une voie innovée? Il dit cette voie n'est pas la voie sur laquelle était le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. Donc طريق مبتدع. Donc il considère que c'est une voie innovée. Et ni les pieux prédécesseurs, ni les grands imams guides de cette nation étaient sur cette voie-là et ces enseignements-là. Donc il dit on ne peut repousser une innovation par une autre innovation et répondre à une innovation par une autre innovation. Ça, c'est le premier argument. Mais regardez le deuxième argument aussi. Il dit, deuxièmement, si on utilise, et on remarque, la voie ash'arite, par exemple, pour réfuter, par exemple, le Mu'tazila ou le Jahmiya, les négateurs d'attributs, de manière absolue. Eux, ils pourront, les négateurs, de manière absolue, le Mu'tazila ou le Jahmiya, ils pourront répondre aux Ash'ari'a de la même manière que les Ash'ari'a, ils ont répondu. Ils pourront leur dire la même chose. Regardez, dans quel sens ? Eux pourront dire à Al-Mu'tazila, ils pourraient répondre à l'Ash'ari'a ce que l'Ash'ari'a, ils ont répondu aux gens de la Sunna. Dans quel sens ? Al-Ash'ari'a, qu'est-ce qu'on a appris ? Pourquoi certains attributs, ils ont nié ? Pourquoi ils ont affirmé une partie, ils ont nié une autre ? Par rapport à leur raison. Donc ils ont dit, certains, ils les ont niés, des attributs comme par exemple la miséricorde. Comme on a dit, hein, dans la pensée ash'arite, ils affirment 13 attributs selon une partie. D'autres 7. Ils ont divergé déjà sur le nombre d'attributs qu'ils acceptent. Mais les attributs qu'ils ont niés, quel est leur argument ? Ils disent que ce qui fait référence, c'est l'aql. C'est-à-dire, leur raison à eux indique du fait qu'elle ne peut pas concevoir cet attribut-là, donc ça indique la négation. Donc l'auteur nous dit, ben, le Mu'tazila, ils pourront leur répondre la même chose. Comme vous, vous avez nié des attributs parce que votre raison vous indique qu'il faille les nier, nous aussi, on a nié les attributs par rapport à notre raison. Donc vous, cette partie d'attribut, eux-mêmes l'ont dit, al-ash'ari'a, c'est lié à leur raison. Leur raison ne peut pas concevoir l'attribut. Donc leur raison indique qu'il faille nier cet attribut. Et donc, ils ont recours à l'interprétation. Mais al-Mu'tazila leur diront la même chose, puisque eux aussi, c'est lié à la raison. Et ce qui est office de référence, c'est leur raison, leur aql. Et donc, regardez, ils disent, فَلِمَدَ تُحَرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَا بِمَا نَرَهُ دَلِيلًا عَقْلِيًا. Donc, pourquoi vous nous interdisez, il pourrait leur dire, pourquoi vous nous interdisez de nier ce qu'on a nié par nos preuves rationnelles. Maintenant, les preuves rationnelles, c'est les preuves liées à leur raison. On a nié cela parce qu'on s'est appuyé sur des preuves rationnelles. C'est-à-dire, on a des preuves rationnelles pour nier ces attributs. Comme vous avez nié une partie d'attributs par rapport à vos preuves rationnelles. Vous êtes basé sur des preuves rationnelles. Nous aussi, pourquoi vous nous interdisez à nous aussi de se baser sur nos preuves rationnelles pour nier des attributs ? De sorte que, ensuite, vous avez interprété ensuite la preuve textuelle. Donc vous avez nié par des preuves rationnelles pour ensuite interpréter la preuve rationnelle, textuelle, pardon. فَلَنَا عُقُولُ كَمَا لَكُمْ عُقُولًا. Il pourrait leur dire, nous, on a nos preuves rationnelles, on a notre raison, et vous avez vos preuves rationnelles, vous avez votre raison. Donc, à vous, votre raison, à nous, notre raison. فَإِنْ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً. Et donc, il pourrait leur dire, si maintenant vous dites que notre raison à nous, nos preuves rationnelles sont fausses, pourquoi vos preuves rationnelles à vous seraient vraies ? Donc, eux leur diraient, si vous dites que nos preuves rationnelles à nous sont fausses, pourquoi les vôtres, vos preuves rationnelles à vous seraient vraies ? وَإِنْ كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً. Et si aussi, donc, vos preuves rationnelles seraient bonnes, pourquoi nos preuves à nous rationnelles seraient fausses ? Et à l'inverse. Et donc, il dit, أَلَيْسَ لَكُمْ حُجَّةٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْنَا سِوَا مُجَرَّدَ التَّحَكُّمُ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى. Et donc, il pourrait leur dire, en fait, vous n'avez aucun argument contre nous si ce n'est le fait de suivre votre passion, votre hawa, wa at-tahakkum. Et là, l'argument, on détaillera ça dans la prochaine liste, c'est un argument très pertinent de l'auteur. Et on voit donc, même le madhhab al-ash'ari, qui est le courant, attention, le plus proche des gens de la Sunna. C'est la doctrine la plus proche de la Sunna, et c'est la doctrine qui, mais les savants considèrent qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Et malgré aussi que c'est le courant qui s'est propagé dans une grande partie du monde musulman et qui est devenu dominant. Mais regardez, l'auteur met en avant que c'est une immense contradiction d'avoir nié des attributs par des preuves rationnelles. Et ces preuves rationnelles, ensuite, par ces preuves-là, ils ont interprété des preuves textuelles. Et ensuite, ils se sont servis de cette méthodologie-là pour réfuter les partisans de la négation. Or, les partisans de la négation, ce qui les a menés à la négation des attributs, c'est quoi ? Pour eux, c'est les preuves rationnelles aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils pourraient leur dire, comme vous, vous avez nié une partie d'attributs par des preuves rationnelles, nous aussi, on a nié par des preuves rationnelles. Et si vous dites à nous que nous, nos preuves rationnelles à nous sont fausses, pourquoi les vôtres, vos preuves rationnelles seraient bonnes ? Et quel est le bien fondé de connaître cela ? C'est de dire qu'en fait, vraiment, tariqat al-haq, la voie juste et raisonnable, du juste milieu où il n'y a aucune contradiction, où la croyance est saine et claire et salima, en cohérence avec les enseignements de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu et des compagnons, c'est la voie des pieux prédécesseurs. Comprendre les textes attributs selon le sens apparent, sans chercher le comment, sans s'imaginer le comment, sans nier, sans falsifier. Et comme ils ont affirmé, par exemple, Al-Ash'ara, une partie d'attributs, pourquoi n'ont pas-ils tout affirmé ? Affirmé tous les attributs. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Juste pour terminer aussi une précision, et ça, beaucoup n'arrivent pas à comprendre cette nuance et concevoir cela. Jusqu'à ce que même si certains jeunes, on leur dit ça, ne peuvent pas comprendre. Beaucoup de savants disent, vous allez retrouver dans si vous regardez, vous lisez des livres dans l'histoire, et vous regardez la biographie de grands savants musulmans, ça a pu arriver, et c'est arrivé, même fréquemment, que certains savants, parfois, avaient défendu ou adopté, appliqué certains fondements, par exemple du madhhab al-Ash'ari. Ils ont pu parfois défendre certains fondements ou certaines conceptions, certaines pensées du madhhab al-Ash'ari. Mais ça n'a pas fait de ces savants des savants ash'arites et n'ont pas été considérés comme min ulama al-Ash'ariyya, mais sont restés des savants de la sunna. Sont restés des savants de la sunna. Donc si vous voulez, il y a des savants qui n'ont pas été à l'abri selon une certaine époque du fait qu'ils ont vécu dans un contexte où la société, ce qui était dominant, c'était le madhhab al-Ash'ari. Et donc, ça a pu arriver que dans certains livres, vous retrouvez certains savants sur certaines questions ont adopté une pensée ash'arite ou défendu un fondement parmi les fondamentaux du madhhab al-Ash'ari. Sauf que les savants n'ont pas considéré forcément que ces savants étaient des savants ash'arites. Ça, c'est important de le savoir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.